comme la guerre, en bien plus amoral. Descend des ténèbres, dès qu'on lui laisse la place. Le serpent en orfèvre, se refait de la crasse. Anatole le squamate depuis sa véranda. Prend sa dose de titrate et amorce le combat. Il persifle son éleveur dans le cerveau malade. Son allié est la peur, qui t'en fait son esclave. Comme le fer ou tout autre métal, violent comme la guerre, en bien plus amoral. Il descend des ténèbres dès qu'on lui laisse la place. Le serpent en enfer se repère de la trace. Anatole, squamate, depuis sa véranda. En sa dose, frappe et amorce le combat. Il persifle son éclair dans le cerveau malade. Son allié est la peur qui t'en fait son esclave.